Il est essentiel d'opérer selon un certain nombre de règles fondamentales. Toujours bosser en effectif réduit. Gardez profil bas. Ne traitez qu'avec des gens qui vous ont été recommandés. En fait, c'est comme vendre n'importe quoi d'autre. Des lave-linges, des chaussures sur mesure, des pipes, si on est une pute. Du moment qu'on arnaque personne, les gens en redemandent. Entre arnaque, crime, cocaïne, sexe, drogue, crocalibre. Ambiance volcanique, speed comme la cocaïne. Sur quoi on focalise, à part le bif, les vocalises. De quoi on balise, combien de SNET on totalise. L'échec paralyse, personne dramatise. La violence se banalise, quand la haine se fanatise. Avant que tu réalises, moi ta peine dans la tise. La fume te pénalise, à part toi qui te la mise. À fond dans la bêtise, au cul t'as les déquises. Les larmes du perquise et la traîtrise qui s'éternise. La voix se loupe, vite sec, la route tourne vite. Là où les 6.35 ont remplacé le tournevis. Simple, bats-toi pour vaincre, y'a pas de notice. La daronne rêvait d'avoir un médecin, le fils rêvait d'être grossiste. En 2010, y'a plus que des putes sur nos listes. Même l'ami d'enfance peut se mettre à poser pour la police. C'est pour les halls, argent sale et mauvais rôle. Destin carcéral, c'est rap comme l'héros. L'erreur est humaine, elle a le goût des barons. Car au chemin qui t'y mène, illégal dans le mal rôle. C'est pour les halls, argent sale et mauvais rôle. Destin carcéral, c'est rap comme l'héros. L'erreur est humaine, elle a le goût des barons. Car au chemin qui t'y mène, illégal. Finir par quitter l'école, cramer les bagnoles, traîner dans les halls, perdre le contrôle, finir dans le canyon. Contrebande d'alcool, prendre son envol, se prendre pour Capone. Tirer sur un wesh, que Dieu nous pardonne. Ça veut le monopole, ça se fout des protocoles. Quitte à baiser Robocop, monotester monotone. Cocktail Molotov, livré comme Chronopost. Nos frères caracoles, embrouillent des marres plus vite que Prost. Au milieu de parabole, cultive des paradoxes. Génération Lacoste qui pense qu'à kicker la gaule. Avant que ça dégringole, que le SEM te déboussole. Apprends à te débrouiller seul, ici personne te console. Qu'est-ce qui t'affole à part les années qu'on te vole. Incarcéré en tôle, rares sont ceux qui t'épaulent. C'est pour mon hall, ce qu'on sur rester combattif. Qui bloque au placard, tant que ces bâtards combattissent. C'est pour les halls, argent sale et mauvais rôle. Reste incarcéral, c'est rap comme l'héros. L'erreur est humaine, elle a le goût des barons. Car au chemin qui t'y mène, illégal dans le mal rôle. C'est pour les halls, argent sale et mauvais rôle. Reste incarcéral, c'est rap comme l'héros. L'erreur est humaine, elle a le goût des barons. Car au chemin qui t'y mène, illégal dans le mal rôle. Qu'est-ce qui transpire si acharné sur une transac à transgresser comme un affamé. Je fais partie de cette génération qui approche 30 piles. Il trouve un étrange vide quand il trouve ses poches vides. Autant brisé par l'échec que percé par la poisse. En temps de crise, te laisse pas transpercer par l'angoisse. Monte une entreprise l'aide ou parallèle à leur économie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que comme une balle, on a échoué sur la barre transversale. Qu'à l'époque de l'école, on préférait les blocs, l'argent sale. Qu'est-ce que les gens savent de nos filles? Leur avis, je m'en fous. L'air à vivre sur mélodie, je prends tout. Entre nostalgie et passé troupe, la France n'est qu'une case, un jour faudra lui casser le trou. Les années passent, mais les séquelles restent, on n'est pas dupes. La différence, on l'a vu bien avant d'être adulte. C'est pour les halls, argent sale et mauvais rôle. Destin carcéral, c'est rap comme l'héros. L'erreur est humaine, elle a le goût des barons. Car au chemin qui t'y mène, illégal dans le mal rôle. C'est pour les halls, argent sale et mauvais rôle. Destin carcéral, c'est rap comme l'héros. L'erreur est humaine, elle a le goût des barons. Car au chemin qui t'y mène, illégal. Toulouse, c'est pour les halls. Farage, c'est pour les halls. Néochrome.